êtes venus. Je sais, c'est toujours difficile. Depuis le Covid, on a du mal à sortir de chez soi parce qu'on s'est habitué à pas sortir. Mais bon, ceux qui sortent, bravo à ceux qui sont sortis. À ceux et celles. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pierre Sommermeyer qui va nous parler de son livre qui s'appelle « Anarchiste et juif » avec un sous-titre qui est « Anarchisme, antisémitisme, antisionisme ». Tout un programme. Donc Pierre, bon, c'est important, il est né en 1942, c'est pas pour dire qu'il est vieux, mais ça, c'est quand même une période qui était un peu... Son histoire est quand même intéressante, il en parlera peut-être aussi, mais son histoire était intéressante. Donc il est né de parents qui étaient des Allemands apatrides, dont l'un des deux, la maman, qui était d'origine juive, donc tout allait mal. Mais ils ont eu, entre guillemets, une chance, c'est d'arriver au Chambon-sur-Lignon, qui, donc, ce qui a fait qu'ils sont sortis de la guerre, tous les trois. Tu n'avais pas de frères et sœurs ? Quatre. Quatre, oh, d'accord, tous les quatre, de la guerre, sans être passés par la case camp. Enfin, il y a eu d'autres camps, je pense, avant Chambon-sur-Lignon, il y a eu des camps. Et puis, 42, c'est important, parce qu'à 20 ans, en 62, bah, c'est la guerre d'Algérie. Donc, ben Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas y aller, vu que ses parents étaient quand même militants, assez engagés, il nous dira. Donc, il veut être objecteur, mais l'objection n'existe pas à l'époque, donc il faut attendre que le statut existe. Et puis après, ça, c'est une autre histoire qui est racontée dans le bouquin Orange qui est là, parce qu'au début, le statut d'objecteur était voté, mais c'est un statut très militaire, donc révolte contre ce statut. Donc toi, tu es passé par la case prison quand même, une ou deux fois au moins. Et puis après, c'est rencontre avec, peut-être avant, les idées anarchistes, la revue Anarchisme Non-Violence. Anarchisme et Non-Violence ou Anarchisme, oui, mais aucun mot. Tu travailles à l'université, tu fais du syndicalisme, bon, passons les années. Tu écris dans la revue Réfraction pendant un bon bout de temps. Tu es webmestre de pas mal de sites, d'au moins un plus personnel que les sites des autres, mais un plus personnel qui s'appelle Divergence, si je ne me trompe pas. Militant à la Fédération anarchiste, à Toulouse, à Strasbourg, c'est pas le même coin. Et puis quelques bouquins, enfin des articles, pas mal d'articles, et puis des livres, dont chez Nada, Désobéissance libertaire et aux éditions libertaires, Mémoire sans frontières, bouquin qu'on n'a pas ici, mais qui raconte l'histoire de ton père, très intéressant, le vagabondage à travers l'Europe avant la guerre. Ça, c'est vraiment, vraiment une très belle histoire. Face à la guerre, petit bouquin qui est là. Et puis, Journal d'un libertaire confiné, donc ça, c'est récent. Et enfin, celui-ci, qui est paru, avec les Covid, tout ça, il a dû paraître l'an passé, quand même. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour en parler d'un sujet qui est intemporel, on va dire. Donc, je te laisse la parole. Merci. Il sait tout. J'ai révisé. Donc, au fond, pour commencer, moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. À la fin du XXe siècle, l'âge aidant, je me suis rendu compte que... dans la mouvance libertaire autant que marxiste non autoritaire, marxienne, il y avait eu un courant négationniste. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, et ça commençait à tourner dans ma tête. Puis, en 2010, est paru un livre qui était les actes d'un colloque paru fait à Venise, qui s'appelait, donc le livre en question, « Juif et anarchiste, une histoire d'une rencontre ». Je trouvais ça extrêmement intéressant. J'en ai fait une recension qui est apparue à ce moment-là dans une brochure qui s'appelait « À contre-temps », qui était à l'époque la référence intellectuelle du mouvement anar, comme réfraction. Et à la fin de cette recension, je me posais la question de savoir pourquoi, sur tout un livre comme ça, sur cette question anarchiste et juif, il n'y avait que 5 lignes concernant la Shoah. Et ça, j'avoue que je n'ai pas compris. C'est quand même 2010, enfin, au moment où le colloque a lieu, en 2000, On sait ce qui s'est passé depuis longtemps, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc moi, j'écris mon texte, j'ai des copains qui ont participé à ce colloque, et il n'y a aucune réponse à cette question. Bon, j'ai décidé à ce moment-là de me plonger dans l'histoire. Comment il se fait que on a pu oublier ce moment très particulier. Il y a un site qui s'appelle Archive Autonomie, sur lequel on peut retrouver quasiment toute la presse anarchiste depuis les origines. C'est une banque de données absolument fantastique. Et alors, je me suis aperçu que, au fond, la question juive, cette problématique, elle est présente dans le mouvement anar depuis le début. On a pu trouver, un peu après coup, mais dans les textes de Proudhon, des déclarations judéophobes. Il y en a aussi dans les textes de Bakounine, il y en a chez Marx. En fait, la judéophobie, elle est extrêmement répandue dans le mouvement populaire, donc elle va être aussi répandue dans l'anarchisme, dans la mesure où les anars viennent du mouvement populaire. Alors j'ai feuilleté, et j'ai trouvé un texte de Pouget, tout à fait intéressant, qui mentionne qu'un type donnant une baffe à un autre et le traitant de youtre, c'est pas une critique, c'est pas une attaque sur la religion. Dans les temps nouveaux, c'est autour de 1900, qui est le journal officiel de l'anarchisme à ce moment-là, on dit que remplacer les juifs riches par des chrétiens juifs, c'est pas une solution. Donc, on voit à quel point les choses sont mélangées. On a vu ça à propos de l'affaire Dreyfus, où toute une partie du mouvement anar n'a pas voulu défendre Dreyfus parce qu'au fond, il était juif. Et officier, on s'est dit, de toute façon, ce type, s'il avait la possibilité, il pourrait nous tirer dessus. Et il a fallu tout le travail de Sébastien Faure pour faire comprendre aux anarchistes qu'on se trouvait quelque chose qui était autre chose que juif et militaire, mais devant des problèmes d'ordre de liberté. Puis en 1897, il y a le congrès de Bâle qui fonde, au fond, le sionisme. Donc les juifs qui sont présents dans le mouvement anar, il y en a beaucoup, se trouvent confrontés à un problème. Comment on fait ? Ils étaient déjà confrontés au problème de l'antisémitisme et ils sont confrontés du coup au problème du sionisme. Une partie de ces militants vont voir Kropotkin, ils vont voir Reclus, ils lui demandent: qu'est-ce que tu penses d'aller en Palestine fonder des kibbutz, enfin des colonies? Kropotkin est extrêmement réservé par rapport à ça, parce qu'il dit que c'est très difficile. Vous allez aller dans un coin où c'est aride, où il n'y a pas de ville, où il y a vous avez beaucoup de travail à faire, tout ça. Reclus est sur la même position. Au fond, ces gens-là sont très réservés, mais ils ne parlent pas des Arabes. C'est assez curieux, on passe à côté. Et Reclus, plus tard, va écrire dans un de ses textes où il affirme le droit des Juifs à revenir sur la terre que Jéhovah leur a donnée. Là, c'est assez curieux, mais quand on sait que Reclus sort d'une famille fondamentaliste protestante, c'est pas forcément étonnant, mais quand même, on voit à quel point les choses sont mélangées. Et puis il y a un groupe qui s'appelle le groupe des étudiants socialistes révolutionnaires internationalistes, les ESRI, qui est composé essentiellement de juifs, de militants juifs, qui va sortir une brochure pour un congrès ouvrier qui n'aura pas lieu, donc il va sortir en 1900. Ce congrès ouvrier a été défendu, interdit par le pouvoir français, et cette brochure sera sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Grosso modo, sur le sionisme, leur position est très simple. C'est de dire, nous pensons que le sionisme est sinon une lâcheté, au moins une faiblesse. Et ils appellent au fond les juifs révolutionnaires à rejoindre la révolution plutôt que de partir en Israël. Puis, comme tout le monde sait, il arrive 1914 et la guerre. Donc cette situation change beaucoup. De tous les côtés, les Juifs participent à la guerre, qu'ils soient du côté français, du côté allemand, du côté russe ou du côté anglais. Il y aura énormément de Juifs qui ont participé à la guerre, qui vont être moulus dans cette histoire. Et puis c'est la fin de la guerre, et là on retrouve cette situation où il y a des Juifs qui décident de partir en Palestine, et des Juifs anarchistes, des anarchistes juifs, difficile, qui décident de partir en Palestine. Il y a eu un théoricien allemand, Gustav Landauer, qui est mort, qui est assassiné au moment de la République de Munich en 19, qui avait beaucoup travaillé sur cette idée de communauté. C'était aussi quelque chose qui était présent en France dans l'idée des milieux libres où des militants anarchistes partaient créer une colonie, réaliser tout de suite l'anarchisme dans les faits. Donc la même chose avec ces gens-là, ils sont partis en Israël créer des kibbutz qui étaient basés sur la philosophie anarchiste. En France, il y a tout un travail théorique qui est fait pour essayer de reconceptualiser ce qu'est l'anarchisme. Et donc ça, c'est fait dans le cadre de l'encyclopédie anarchiste. Et on y retrouve, au fond, l'ambiguïté anar vis-à-vis des juifs. Et il y a un type qui s'appelle Brochier, donc c'est dans l'encyclopédie, qui déclare que beaucoup de juifs épousent des chrétiennes, surtout si elles sont riches. Ce qui est très sympa. Alors que lui, Voline, a écrit une grande notice sur l'antisémitisme qui n'a absolument perdu aucune actualité aujourd'hui. Et il dit dans cette notice, l'antisémitisme n'est aujourd'hui qu'une des faces les plus hideuses du nationalisme le plus bas, une des manœuvres, un des instruments de la réaction la plus farouche, il est une des plaies saignantes de notre société en pleine putréfaction. Ce qui n'empêche pas, plus tard, un dénommé Fortin, en 1934, dire « Nous ne sommes pas antisémites, nous sommes anti-youpes ». On est toujours dans cette ambiguïté. Ce type, Fortin, a joué un rôle important pendant la Révolution espagnole, où il s'occupait des Français engagés dans la CNT et en Espagne. Au même moment en Argentine, Berneri va écrire un article tout à fait intéressant sur l'antisémitisme. Lui, il voit ce qui va arriver. Il va publier plus tard une plaquette intitulée « Le juif antisémite ». Au fond, il réfléchit sur cette situation des juifs qui ne sont pas juifs ou qui veulent échapper au racisme nazi en accusant les autres d'être des juifs. C'est une situation assez curieuse, mais c'est une plaquette tout à fait intéressante. Donc, à partir de 1920, les communautés juives en Palestine se créent, les uns après les unes après les autres, avec la philosophie de Landauer et développée par Martin Buber, qui se présente comme l'héritier philosophique. Dans l'encyclopédie Chazov, l'encyclopédie anarchiste, Chazov, qui est aussi un militant important, dit « Nous comprenons le sentiment honorable que les Juifs opprimés sortent de leur ghetto, mais la révolution ne leur offre pas la Palestine, elle leur offre le monde entier. » Voilà, on est là. Au même moment, Armand, qui est de nos théoriciens anarchistes, dit « La colonisation juive présente des exemples d'énergie qui méritent d'attirer l'attention. » Et en même temps, il dit « Les Arabes ne sont pas disposés à céder leur place, d'où des heurts qui peuvent dégénérer parfois en massacre entre juifs et arabes. » Donc lui a compris l'espèce de situation ambivalente de ces communautés qui se créent en Palestine. Mais ils se rendent bien compte aussi que la situation à partir de 1933 en Allemagne dégénère et que, au fond, la Palestine offre une possibilité de refuge pour les Juifs. Il y a un livre qui est paru sur les kibbutz de Horrox, sur les kibbutz en Palestine, qui est extrêmement intéressant, si ce n'est que la question arabe est évacuée. Il y aura un intérêt jusque dans les années 50-60 en France pour les kibbutz en Palestine, qui seront toujours considérés comme des lieux où l'anarchisme s'exprime, où se réalise. Et c'est très curieux de voir que parmi des copains tout à fait clairvoyants, la question arabe n'existe pas. En même temps, pendant toute cette période, les débats en France ont lieu sur Israël, sur la Palestine, sur l'antisémitisme et tout ça. Et le rédacteur en chef de la Révolution prolétarienne, qui est donc une revue proche de l'anarchisme, lui considère les Juifs en Palestine comme des colons et non comme des réfugiés. Ce qui fera qu'une des femmes, une des anarchistes juives les plus importantes, Ida Met, claquera la porte de la révolution prolétarienne. Et on va trouver donc cette situation qui va se reproduire même pendant la guerre d'Espagne, où énormément de juifs anarchistes, autant que staliniens, vont participer à cette guerre. Et des chiffres donnent 800 juifs staliniens installés en Palestine, au lieu de rejoindre les groupes arabes nationalistes qui existent à ce moment-là, décide plutôt de partir se battre en Espagne. Alors il y aura quelque chose de très curieux. Il y a un juif anarchiste marocain qui un jour envoie au secrétaire général de la CNT une demande lui disant « Ce serait bien que la CNT annule l'édit d'expulsion datant de 1492, l'édit d'expulsion des Juifs. » 1492, on se dit. Réaction de du secrétaire général de la CNT, exclu, ça risquerait de faire revenir la domination capitaliste. On est toujours dans cette situation d'ambiguïté. Alors, par contre, moi j'ai découvert ça, c'est pas dans le livre, j'ai découvert ça après. Après la guerre, il y a un anarchiste, qu'est-ce qu'il est, polonais, bon, Kaminski, je crois qu'il est allemand, qui a écrit une biographie de Bakounine. Et en 1938, il écrit un libelle contre Céline, l'auteur, intitulé « Céline en chemise brune », où il dit clairement, Céline est un nazi, Céline est un antisémite, et lui, Kaminski, comprend ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est le seul dans le mouvement anarchiste, à ma connaissance, à réaliser que le nazisme est en train de faire mettre en place un projet antisémite radical. En France, les anarchistes français ne sont pas. Eux, ils sont pris dans l'histoire de la fin de la guerre d'Espagne, la retirada et le drame. Et puis il y a la guerre, comme chacun sait. Et là, on arrive, au fond, au réseau de mon livre. Et c'est extrêmement douloureux. À mon sens, aujourd'hui, quand je ne pensais pas arriver à ça. Voilà. Donc, la plupart des juifs anarchistes, ou des anarchistes juifs, comme on veut, ont disparu, soit en Espagne, soit dans les camps après, comme le père de Grothendieck, donc le célèbre mathématicien, Alexandre Shapiro, qui est mort à Auschwitz. Il y a eu un petit livre paru là-dessus aux éditions Libertaires, qui est très bien. Et puis c'est la création de l'État d'Israël. Au fond, c'est mentionné dans le Libertaire, donc qui renaît. On parle de l'Exodus. Mais d'une façon, le bateau qui emmène des réfugiés juifs en Palestine avec tous les allers-retours que ça comprend. Et l'auteur, je ne sais pas qui c'était, anonyme dans le Libertaire, en vient à parler du racisme juif et cette volonté de créer un monde à part et de ne pas se mélanger. Mais la tragédie de l'Exodus, c'est aussi l'occasion pour des gens comme Camus de prendre part au débat, d'écrire sur des choses comme ça. Et toute cette histoire du silence, quand on travaille un peu sur cette question de savoir qu'est-ce qu'on savait à cette époque-là, il y a un mythe qui a été créé de toutes pièces pour expliquer pourquoi on s'en est pas occupé, c'est l'histoire du silence. Il y aurait eu un silence entre les années, disons, 45, 46 et 60, où personne ne parlait de ce qui s'était passé en Allemagne, enfin, et en Pologne, de la Shoah. Il y a eu un livre, une étude qui a été faite qui montre que c'est pas vrai du tout, on sait très bien, mais que c'était extrêmement gênant. Quand on regarde de près le film Le Chagrin et la Pitié, les Juifs ne sont pas mentionnés, ce qui est assez étonnant. Et de fait, dans le mouvement Anar, où on va parler des gens qui partent en Palestine, l'espérance portée par les kibbutz efface la question palestinienne. Et ça va être le cas, grosso modo, jusqu'en 68. Il y a trois périodes sur lesquelles j'aimerais m'arrêter, qui sont les périodes qui explicitent l'existence du négationnisme dans nos rangs. C'est le procès Nuremberg, c'est le procès Céline et l'épisode Racinier. Et toujours à partir des textes de base. Alors le procès Nuremberg, c'est pour le Libertaire qui est paru, qui renaît en 1944, au fond, c'est secondaire. Donc, dans le premier exemplaire, le premier numéro du Libertaire en décembre 1944, en première page, il y a une photo de Durruti. Comme si ce qui venait de se passer autrement n'existait pas. Dans le numéro 5, donc deux mois après, on décrit le retour des prisonniers sans dire un mot sur les Juifs. Il y aura dans le journal suisse Le Réveil un article probablement rédigé par André Prudhomeau qui annonce la découverte des camps d'extermination en ajoutant que la réalité est probablement pire que je ne sais pas. Puis l'intérêt pour les Juifs disparaît. Et le Libertaire va aborder à plusieurs reprises le procès de Nuremberg en considérant que, au fond, les coupables ont été châtiés et que la question est réglée. Et qu'on aurait dû les tuer beaucoup plus vite que de faire tout ceci retour et que ce n'est que la justice bourgeoise. Et tout ce qui relève de la réflexion sur les crimes contre l'humanité, le génocide, tout ce qu'on peut savoir sur les témoignages à propos des camps, tout ça, ça n'existe pas. Et puis arrive cette histoire Céline. Donc Céline, l'auteur qui est considéré encore aujourd'hui comme un des grands auteurs de la littérature française, a été un collaborateur des Allemands. Il s'est réfugié au moment de la défaite allemande et il suit le groupe gouvernemental qui se réfugie en Allemagne à Sigmaringen. De Sigmaringen, il trouve tous ces gens-là tarés, encore plus que lui, et lui il se réfugie au Danemark. Et puis les questions de le faire revenir, qu'il y a, il y aura un procès pour collaboration. Et dans le Libertaire, il va y avoir tout un débat sur est-ce que c'est normal qu'on lui fasse un procès, parce que c'est quand même un grand auteur, et son antisémitisme est passé sous silence. Et c'est assez étonnant. J'avoue que de lire ça aujourd'hui. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un moment donné où trop c'est trop. Et il y a des militants de je sais plus quel groupe qui interviennent en disant ça suffit, on s'occupe de ce type-là, alors que partout ailleurs, il y a des gens qui meurent sous les coups, des révoltés, et ça suffit comme ça. Et puis Camus et Benjamin Perret vont prendre parti contre Céline. Et à part Camus et Perret, même Camus, qui mentionne l'antisémitisme de Céline, il ne parle pas des Juifs. Et la brochure de Kaminski sur Céline, elle est passée complètement à la trappe ça a été complètement oublié. Donc, après cette histoire du Robert où on ne parle pas des Juifs, cette histoire de Céline où on ne parle pas des Juifs, arrive l'épisode Racinier. Et c'est probablement l'épisode le plus douloureux dans la mouvance anarchiste française. Paul Racinier est un type qui est passé de différents groupes en différents groupes, de différents partis en différents partis, puis a atterri chez les anarchistes. Il a été emprisonné à Buchenwald et libéré. Il est passé à travers, il a été libéré et il a écrit un livre qui s'appelle Le mensonge d'Ulysse. Alors, je vais aller assez rapidement, mais il y a une femme, Nadine Fresco, qui a écrit un livre sur lui en racontant tout ça. Et il y a un procès qui est ouvert contre Racinier, contre ce livre, Le mensonge d'Ulysse. Et donc Racinier va être amené à exposer ses thèses. Et en fait, il y en a deux, essentiellement. La première, c'est que ce sont les bureaucraties clandestines dans les camps qui ont rendu la vie des camps difficile. Que si on avait laissé les SS s'en occuper, ça aurait été beaucoup plus agréable. Boum. Un peu. Et la deuxième, c'est à propos des chambres à gaz. Donc la première va donner l'occasion, dans le Libertaire, d'un grand débat sur cette idée de bureaucratie contre SS, où des gens vont participer, comme André Haru, Maurice Laison, Michel, il y a vraiment des articles tout à fait fouillés, tout ça, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas un mot sur les Juifs. Et dans le même livre, Racinier dit des chambres à gaz, il y en a eu, mais pas autant qu'on le dit. Et il dénonce la mystique exterminatrice exprimée par un certain nombre d'auteurs comme David Rousset à ce moment-là. C'est tout. Mais ce type, Racinier, il va continuer pendant des années à influer dans la réflexion anarchiste. Il va apparaître comme le théoricien de la finance juive à plusieurs reprises. Il va, au moment du procès Eichmann, je reviendrai dessus, il va écrire un libelle présentant Eichmann comme innocent. Au fond, Eichmann n'a fait que suivre les ordres, donc il ne faut pas le condamner. Le procès Eichmann, au fond, n'intéresse pas beaucoup les anarchistes à ce moment-là. Et les suites philosophiques du procès Eichmann, vues telles que Anna Arendt va s'en occuper sur la banalité du mal, et ça, il n'y a aucun intérêt. Mais la question du judéocide, ça va revenir dans les colonnes du Monde Libertaire, un peu plus tard, en 63, à travers une critique théâtrale, celle de la pièce Le Vicaire. Pour les plus anciens, on rappelle ce que c'est. Le Vicaire, c'est une pièce allemande qui démontrait la culpabilité, la complicité du pape dans le judéocide, la Shoah. Et pendant ce temps-là, Racinier, lui, continue à publier un peu partout. Il collabore à la Voix de la Paix, à Défense de l'Homme, à Contre-Courant, il a adhéré à l'AFA, il est membre du groupe Reclus dans le Sud, puis du groupe d'Anières de Laison, jusqu'au jour où il est exclu de l'AFA, en 1964. Et ça, c'est très intéressant. Un ami que certains connaissent, René Fuglet, qui a participé au procès Racinié qui menait à l'exclusion. Et qu'est-ce qu'on reproche à Racinié à ce moment-là? On lui reproche d'avoir écrit sous pseudo dans Rivarol, le journal d'extrême droite, et d'avoir participé à un journal allemand tenu par des anciens SS. Et ce sont des anarchistes allemands qui ont prévenu la Fédération anarchiste en France en disant « C'est quoi ce mec ?» Donc, on va l'accuser d'être à trouble, pour le moins, si ce n'est d'aller dans différents endroits, et donc il va être exclu. Mais il ne va pas être exclu à cause des conneries qu'il a racontées sur les camps. Pas du tout. Au cours de ce procès, d'après ce que René m'a rappelé, le mot juif n'est jamais prononcé. Je terminerai par la publication dans Le Monde libertaire, c'est terrible. En 1979, Le Monde libertaire publie un article de Maurice Joyeux. Donc, c'est qui sait, qui est un leader important de la Fédération anarchiste, qui considère le mensonge d'Ulysse comme le meilleur, le plus mesuré et par sa nature même le plus crédible de tous les livres écrits sur le nazisme et la Shoah. Et cet article sera republié en 1989, sans pour autant qu'il soit crédité. Dans le livre qui est publié à propos de cette histoire du père de Grothendieck qui meurt à Auschwitz, Les ruines d'Auschwitz, j'ai écrit une présentation où je disais « Une grande tristesse me prend quand je constate que la pensée dont je me sens le plus proche, l'anarchisme, est semble-t-il incapable de produire la mode réflexion sur la Shoah. » Et en fait, j'en suis toujours là. Et depuis, ce n'est pas la première fois que je présente ce livre qui a circulé beaucoup. Et je me trouve toujours devant cette situation où, au fond, c'est gênant, on constate... il y a eu une motion qui a été votée par la Fédération anarchiste contre l'antisémitisme, sans pour autant que cette question-là soit au fond abordée sur le fond. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de la Shoah? Est-ce qu'on peut encore réfléchir comme on réfléchit maintenant? Qu'est-ce que c'est la nature humaine? Est-ce que c'est l'avenir? Qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Voilà. Donc, ma question est, qu'est-ce qu'on en fait? Si vous avez envie de participer. Ben oui, je crois que tu as ouvert plein de pistes, tu as donné des noms, mais il y a des choses, on a envie d'en savoir plus. Hein. Donc la parole est à vous. Moi, j'ai des trucs à dire. Une question de Nétari. Tu as parlé d'un anarchiste marocain. Tu n'as pas dit son nom. Qui a demandé l'abolition de l'expulsion des juifs d'Espagne. Je vais trouver ça. Bon, ben, si tu ne l'as pas sous la main, non, mais ça. Ça m'intéresse comme je suis venu au Maroc. Ça y est. J'ai jamais entendu parler. Non, Il s'appelle Ben Crimo. Ben Crimo ? Oui. Ah. J'ai cherché. Merci. En fait, son vrai nom, c'est son pseudo. Ouais. Son vrai nom, c'est Léon Azerat Cohen. D'accord. Ah. Merci. Oui, j'ai pas parlé non plus de d'Emma Goldman et sur un débat à propos de l'intervention d'un camarade américain où il est attaqué comme pour antisionisme. Donc ça c'est toujours avant la Deuxième Guerre mondiale. où les débats sont très forts, ça bouge beaucoup sur ces questions-là, sans pour autant arriver, si ce n'est au silence anarchiste après la guerre, anarchiste français. Je ne sais pas du tout quelle est la situation en Allemagne. Dans quelle époque ? Après-guerre. Il n'y avait pas beaucoup d'anarchistes à l'époque. D'après vous, la définition de l'antisionisme, exactement, qui était vraiment antisioniste ? Excuse-moi, j'ai pas compris. Lorsqu'on prononce le mot dans la presse, par exemple, de antisioniste, oui. Qui est antisioniste et pourquoi est-il antisioniste ? L'antisionisme, à ma connaissance, il naît après l'affirmation du sionisme. D'accord ? Voilà, c'est là que ça complique parce que. Quand on parle d'antisémitisme, on ne parle que de l'antisémitisme contre les juifs. Or, autant que je me souvienne, les Arabes et les Syriens sont des sémites. Alors, si vous êtes antisémite, vous êtes contre les Syriens, de la même manière que vous êtes contre les juifs. Oui. Parce que je sache, quand on parle de juifs, les gens, le vocabulaire est mal employé. Parce que quand on dit raciste en France, quand on parle de quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre race que vous n'aimez pas. Or, personne n'a défini les juifs comme une race. Quand on est juif, à la limite extrême, c'est très délicat à dire la race. Parce que le racisme existe de la même manière qu'en Europe, il existe en Afrique et il existe aux États-Unis. Seulement aux États-Unis, quand vous êtes raciste, vous attaquez les Noirs. En Europe, quand vous êtes raciste, vous attaquez les Juifs. Alors, je vous dis, il y a des mots qui sont employés facilement et qui sont très difficiles à employer. Gobineau, dans son livre sur les races, définit les Juifs comme une race particulière. C'est repris un peu par Dumont dans son livre sur l'antisémitisme. Après, au fond, la question c'est savoir qu'est-ce que tu en fais. C'est, objectivement, c'est pas une race, puisqu'il n'y a pas de race. Hein, mais ça, tu as affaire à des courants qui se servent de cette situation-là pour avancer leur pion autoritaire. Mais l'antisémitisme, à mon sens, oui. C'est un projet politique. Hein? C'est on va libérer le monde en liquidant les juifs. Oui, mais je vous répète, c'est le problème pour quelqu'un qui parle, je veux dire, qui analyse, parlons pas de politique à ce moment-là, parlons de linguistique. Lorsqu'on dit raciste, d'abord c'est un mot qui est employé depuis quand même que deux siècles. Qui était moins employé, par exemple, à certaines époques que maintenant. Et vous parlez de la Shoah, il est évident que ça a exacerbé. J'en suis entièrement d'accord. Mais je vous répète, le racisme, le mot racisme lui-même, il y a des mots qui sont très mal employés, comme je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire. En français, alors, quand on cherche le sionisme, autant que je me souvienne, ça a été créé par les Anglais. Mais les Anglais, lorsqu'ils ont fait, par exemple, des trucs racistes en Australie, lorsque les Anglais ont envoyé en Australie tous les condamnés, les Anglais se sont très mal conduits vis-à-vis des populations qui existaient en Australie. De la même manière qu'en Afrique du Sud ou autre. Alors, on a un problème mondial d'un côté, et on a un problème européen de l'autre. Et le problème des médias à l'heure actuelle, c'est qu'on parle surtout de l'Europe, mais on ne parle pas du monde. Et le problème, quand vous aimez quelqu'un ou vous ne l'aimez pas, mais vous ne cherchez jamais à comprendre Le racisme, c'est, par exemple, j'ai écrit un texte que je vous remettrai tout à l'heure, d'ailleurs. La différence qu'il existe entre un anarchiste juif et un juif anarchiste est essentielle. C'est pas une question d'adjectif, c'est pas de placer l'un avant l'autre qui compte. C'est que ça ne veut pas dire la même chose. Un anarchiste juif, c'est une chose, un juif anarchiste, c'est autre chose. À mon avis, mais moi c'est un avis simplement, je vois pas, qui n'a rien de politique, qui est simplement philosophique. Vas-y, vas-y, reprends la parole. Sur le point de vue philosophique, Pierre a quand même répondu en disant que Gobineau et Drummond ont été élus par le Gobineau a écrit une bêtise. Attends, c'est top là, ne parlez pas en même temps. Ils ont quand même été les penseurs du racisme, c'est des Français qui ont été les penseurs du racisme. Et à la même époque que ce qu'on du racisme, ils l'ont théorisé, ils l'ont écrit et tout. Et je veux dire que ce qu'on retrouve à la sortie de leur texte, c'est ces fameux protocoles de Sion, quand même, qui se sont dans le monde entier. Donc il y a, je veux dire, sur la théorisation et sur l'explication linguistique et philosophique, je veux dire, les Français ont participé à le théoriser. Et à le propager. Pierre. À mon avis, c'est pas une question de la race ailleurs ou pas. Qu'il y ait des antagonistes sur des. On va parler d'Australie, où on parle des Amériques et tout, où on chasse les populations locales pour prendre les terres, où on peut parler aussi de la Palestine et d'Israël, c'est une chose qui s'est faite dans l'histoire, on ne peut pas nier que. Elle s'est fait depuis des siècles et des siècles. Mais le racisme, il a quand même été théorisé. Il y a des écrits, il y a des Drummond, il le mesure même avec, soi-disant, des pseudo-trucs scientifiques. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je sens que Drummond est beaucoup plus violent que Gobineau, parce que Gobineau était un type qui écrivait beaucoup sur les voyages. D'ailleurs, si tu lis des souvenirs de voyage de Gobineau, ça n'a absolument rien de politique. Mais on a le même problème avec les souvenirs, par exemple, avec le ministre de sous-préfet d'Abel Bonnard. Abel Bonnard, qui écrivait que des livres sur le Sol, qui s'appelait Gestapest, probablement à l'époque, ou la belle Bonnard, parce qu'il était habillé comme un langue avec des chemises roses. Mais c'est, ce qui m'intéresse, c'est, en dehors de l'histoire, je veux dire, excusez-moi, hein, j'ai dévié de la conversation, je vous prie de m'excuser, je reconnais qu'il vaut mieux revenir à nos moutons. Parce que moi, je pensais tout à l'heure, par exemple, à sophistiquer. Quand on dit que les gens maintenant ont sophistiqué dans le langage moderne, c'est quelque chose de merveilleux, alors que c'est quelque chose de moins de qualité. Parce que à sophistiquer, on peut faire au complexe, un mot bien sophistiqué. Jean, s'il te plaît, il y en a d'autres qui veulent prendre la parole. Il y avait Reinhardt. Voilà, excusez-moi. Les copains. Alors Reinhardt. Et après, Pierre fera des synthèses. J'aimerais ajouter quelque chose que j'ai trouvé dans le livre de James Horrocks. Peut-être je veux encore mettre le poids sur le début de l'immigration en Palestine. C'était l'expulsion des Juifs de Russie par le tsarisme. Ça, c'était très important. Dans deux vagues, dans les années 1880 et 1905. Et là, 4-5, c'était déjà influencé par le socialisme du Bund en Russie, et ils ont emporté le socialisme, le communautarisme de la Russie aussi en Palestine. Autre chose, ce que tu as mentionné sur Gustav Landauer, et le début du sionisme politique, c'était, même quand Herzl a déjà écrit l'État des Juifs, c'était encore pas du tout une idéologie complètement majoritaire dans le sionisme. Horrocks, il dit, notamment dans les premiers 30 ans des kibbutz, par exemple, c'était pas la vision de créer un État en Israël. Par exemple, en 1909, le premier kibbutz socialiste défendu, ça s'appelait Degania, et dans l'histoire, là, Degania, ils n'ont jamais parlé dans leur document, ou parlé, ni de gouvernement, ni de règne ou choses comme ça, ni d'un État juif. Donc, ils parlent des premières décennies du sionisme comme un mouvement très pluraliste. Et dans le pluralisme, il y avait Buber, par exemple, avec son sionisme culturel, avec la vision binationnelle, nationale. Et par exemple, chez Landauer, il y avait d'abord cette vision de s'appuyer sur la diaspora. Ça veut dire qu'il pensait que les Juifs sont un peuple, il a utilisé le mot peuple, qui était dispersé partout, en Russie, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. Et il a pensé que c'était une expérience, un vécu qui les favorise à se s'organiser sans État, parce qu'ils sont tellement dispersés dans la diaspora. Donc, Buber, quand il a pris des éléments de Landauer pour le disperser en Palestine, il n'a pas reçu ou fait une réception sur Landauer quant à une conception de l'État, mais il a pris de Landauer uniquement son conception de colonie, de communauté colonie qu'il a proposée pour l'Europe en même temps. Et ça, c'est aussi très important pour la réception des idées anarchistes aussi en Israël. Même quand Kropotkin était au début contre le sionisme, il y avait dans les kibbutzim, il y avait beaucoup des références à Kropotkin. Il y avait très vite des traductions des œuvres phares de Kropotkin et des livres de Kropotkin sont été presque dans toutes les bibliothèques des premiers kibbutz. Et bon, pour ta question que tu as pensée sur l'Allemagne d'après la Deuxième Guerre mondiale, d'abord il n'y avait rien. Et après, en 68, il y avait une réception complètement en favorisant les Arabes. D'un côté, c'était justifié, mais il y avait un abordement, par exemple, dans les groupes armés de 2 juin qui ont pris un avion. Et ils le font extradier à Entebbe, et à Entebbe, c'était au début des années 70, ils ont fait un triage entre les passagers européens et juifs. Bon, et ça, c'était très mal vécu par des gens libertaires qui ont critiqué, qui ont commencé à critiquer le mouvement. Puis, dans les années 80, il y avait la campagne des autonomes à Hambourg, qui ont écrit sur les maisons « Boycott Israël, kibbutzim, plage et produits ». Et là, c'était aussi, il y avait un grand débat, et ça a un peu basculé dans les années 90, même 2000, quand il y avait la guerre en Irak, soutenue par Israël. Ils ont même manifesté, par exemple, il y avait des clivages entre des antifascistes pro-Israël et anti-Israël. C'était à la fin des années 90, il y avait un clivage entre les deux positions, soit dans les autonomes, soit dans les antifascistes. Et ça, c'était, il y avait vraiment des bagarres dans les manifs contre la guerre en Irak. Il y avait des porteurs, des drapeaux américains et des porteurs de drapeaux Israël qui ont soutenu ça. Donc ça a dégénéré dans tous les deux côtés, moi je pense. Pour le débat en général en Allemagne, c'était très important dans les années 80, les thèses du sociologue Habermas, plutôt un peu social-démocrate, mais qui était très influencé en appliquant le mot de spécificité, ou comment dire, le Shoah, c'est un moment historique unique. Cette spécificité unique, jamais égalée par d'autres génocides, soi-disant, ou choses comme ça. La singularité, il a appliqué ce mot, la singularité de la Shoah, c'est la fabrication de morts par des usines. Et ça, il a défini comme la singularité. Et ça, c'était très vif. Il y avait un très grand débat là qui a ouvert l'espace pour des mémoires, même dans le monde officiel, ou choses comme ça. Vas-y. J'aimerais insister sur ce trait depuis l'édit d'exclusion des Juifs de 1492 jusqu'au protocole des sages de Sion. C'est quand même 300 ans d'antisémitisme institutionnel en Europe. Les protocoles des sages de Sion, c'est le livre à l'époque le plus imprimé après la Bible. Donc il est lu partout, par tout le monde. En 2015, il y a une pétition pour faire cesser les cloches de 22h dans la cathédrale de Strasbourg qui annonçait aux Juifs qu'ils devaient sortir de la ville. Elle a échoué. L'évêché a refusé de cesser de faire sonner les cloches. Donc, on parle quand même de quelque chose qui est inscrit dans la mémoire européenne et qui est absolument passé sous silence quand on parle de la question juive ou de la Shoah, sans même aborder la question de l'anarchisme et des anarchistes et des juifs. Vas-y, Pierre. Alors, ouais, je voudrais revenir sur plusieurs choses. Sur l'antisionisme. Les premiers antisionistes étaient, à part quelques anarchistes, étaient essentiellement les communautés religieuses juives pour qui le retour à Sion, donc le retour à Jérusalem, c'était un acte de Dieu et de personne d'autre. Et les tenants du sionisme qui se réunissent là-bas et tout ça, au fond, ce ne sont pas des religieux, ce sont des juifs qui, pour la plupart, sont irreligieux, parfois même athées carrément. Donc, on a des textes contre le sionisme écrits par des communautés religieuses, des rabbins et tout ça, particulièrement du centre de l'Europe centrale, qui sont extrêmement virulents. Après, sur cette histoire que Horrocks rappelle dans ce livre sur les kibbutz, il y a effectivement dans les kibbutz, il n'y a pas ce côté étatique. Par contre, simultanément, dans la communauté juive, il y a toute une partie fasciste, extrémiste de droite, autour de Jabotinsky, qui développe toute une idéologie étatique, raciste, qui à ce moment-là est relativement minoritaire et qui est maintenant au pouvoir. Ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir. Donc il y a eu ces deux courants et le problème avec moi, à mon avis, c'est l'analyse que je fais, c'est que la dimension étatique, libertaire des kibbutz, le fait qu'ils n'aient pas réussi ou voulu ou pu s'allier avec des groupes arabes à ce moment-là, a donné cette situation-là. Peut-être serait. Et alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est aujourd'hui, dans la plupart des dénonciations antisémites qu'on peut voir, vous êtes antisémite, tu es antisémite, Mélenchon est antisémite, tout ça, c'est l'absence de solidarité avec les groupes qui, en Israël même, se battent contre l'État pour s'allie ou avec les Palestiniens, ou avec des Palestiniens. Et cette absence de solidarité, elle est frappante. Au fond, on s'aperçoit que les dénonciations qui sont faites, les attaques, visent la plupart du temps à éviter un procès d'Israël. J'ai eu des accrochages sur mes positions par rapport au boycott d'Israël. Moi, je suis totalement opposé au BDS. C'est, pour moi, ça ne correspond à rien. Parce que, avec le BDS, on n'aide pas, on n'est pas solidaire des petits groupes en Israël qui refusent de se laisser avoir, des jeunes qui sont appelés au service militaire et qui ne veulent pas y aller. Ce sont ces gens-là qui ont besoin d'un coup de main. Au fond, boycotter des boîtes qui font travailler des Palestiniens, ça me semble une aberration, moi, sur les positions de classe, totalement. Après, sur cette histoire de ce que tu dis, l'exclusion jusqu'à... Alors moi, j'ai une position assez tranchée que j'ai beaucoup de mal à faire pour passer. Avant 1870, il n'y a pas d'antisémitisme. Il y a une généophobie qui peut prendre des formes totalement hystériques. Si tu prends les textes de Martin Luther, le protestant, sur les juifs, à la fin de sa vie, et se rendant compte qu'il n'a pas pu les ramener vers lui, il devient fou. Donc, cette judéophobie, elle existe depuis 300 ans avant Jésus-Christ. Dans ce livre, il y a toute la partie sur l'anarchisme et l'antisémitisme. Il y a un texte tout à fait intéressant, écrit par un copain à moi, sur le négationnisme. Il y a un article que j'ai écrit dans Réflexion sur l'antisémitisme, c'est important. Et ça rejoindra ce que je viens de te dire, tout un côté sur la judéophobie antique. J'ai remarqué que dans l'idéologie antisémite, on évite de se poser la question de la judéophobie antique. Parce que ça pose la question de la vérité. Ça, c'est assez curieux, c'est qu'au fond, quand les Juifs, après avoir été rassemblés par les Perses à Babylone, ils ont réussi à rassembler tous leurs écrits, ça passe dans le monde antique. À ce moment-là, ces gens-là refusent de sacrifier aux autres dieux. Parce qu'ils disent, mon Dieu est vrai. Ça va être une des raisons des guerres contre les Juifs, c'est que, au fond, vous ne voulez pas participer aux différentes sacrifices. Tout à fait mettre votre Dieu avec les autres dieux, avec Jupiter et compagnie, ça pose aucun problème au monde antique, et les Juifs refusent. Donc on s'aperçoit que dans l'iconographie antique, jusqu'à 200 après Jésus-Christ, il y a toute une littérature qui se développe, disant les Juifs ils portent la peste, les Juifs aussi, les Juifs font des sacrifices, toutes les choses qu'on va retrouver après avec le protocole de Sion, qui sont déjà présentes avant. Et donc il y a cette judéophobie. Il n'y a pas d'antisémitisme s'il n'y a pas une judéophobie. Ah bon, l'antisémitisme est construit sur la judéophobie. Mais la judéophobie, au fond, c'est quelque chose qu'on trouve dans le monde ouvrier tout à fait classique. C'est un juif ou n'importe quoi. Et comme un juif, c'est quelque chose qu'on va retrouver, enfin moi que j'ai trouvé tout le temps, dans les milieux dans lesquels j'ai travaillé. C'était quelque chose tout à fait courant. Et c'est qu'après 1870, on s'aperçoit, avec Drummond, basé sur les écrits de Domino, et qui vont donner plus tard le protocole de Sioux, qui arrive plus tard, toute cette idéologie qui consiste à penser que si les choses vont mal, c'est la faute aux juifs. Donc pour que ça aille bien, on va liquider les juifs. C'est simpliste, et ça continue aujourd'hui encore à fonctionner comme ça. Je ne sais pas si je suis très convaincant, mais... En tout cas, ça étale bien la problématique. Hein, c'est... Sylvie. En t'écoutant par rapport à la Shoah, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller un petit peu plus loin dans les années qui ont suivi. Et je pensais à la critique anarchiste du régime soviétique, léniniste puis stalinien, dont on sait quand même qu'il a envoyé en camp et à la mort je ne sais combien de juifs parce qu'ils étaient juifs. Et est-ce que tu peux dire quelque chose sur la position, enfin, est-ce que les anarchistes en ont parlé de cet aspect-là? Ou bien est-ce qu'ils ont continué à se taire ? Moi, j'ai pas vu grand-chose là-dessus. Hein, mais il y a la grosse différence, à mon sens, c'est que les juifs qui disparaissent dans le monde stalinien, ils disparaissent parce qu'ils sont en trop. Ils disparaissent parce que ce sont des gêneurs. Ils ne disparaissent jamais pour libérer le monde, hein, contrairement aux nazis. L'idéologie nazie, c'est les juifs nous empêchent de vivre, ouais. On va les liquider, comme ça on pourra vivre. Chez les staliniens, ça n'existe pas, en tant qu'idéologie, hein, je ne comprends pas. Ce qui n'empêche pas de liquider tous les groupes qui peuvent être, tangents, qui à un moment donné ou à un autre. Mais la présence des juifs dans le monde stalinien, c'est une évidence, ils sont là, ils sont au départ, il y a un anti-judaïsme de droite, dans le cadre de la révolution bolchevique, hein, qui existe, ou Trotsky et autres, mais à aucun moment il y aura cette idéologie. Ce qui n'empêche pas de liquider tout ça, mais ça fait partie, à mon sens, de la machine stalinienne qui a besoin, pour exister, de continuer à liquider des gens de façon perpétuelle. À partir du moment où elle arrêtera de liquider des gens, elle va dépérir. Et au moment où elle ne peut plus liquider, elle meurt. Ouais, petite anecdote, effectivement, quand tu dis le manque d'intérêt pour la Shoah dans les milieux anars, Ça remonte à pas très longtemps, et retour d'un voyage en Pologne, on a visité Auschwitz, et que nous, on était un peu sidérés par ce qu'on avait vu, quoi, bah, l'émotion d'être sur ces lieux de mort, de massacre industriel, comme tu l'as dit, et des réactions en face de copines qui disaient, mais qu'est-ce que vous êtes allés foutre là-bas? Franchement, de toute façon, des massacres, il y en a tout le temps, et de le mettre au même niveau que les autres, alors que là, on a vraiment la volonté de... C'est pas le seul, hein, de génocide. Il y a eu les Arméniens, les Rwandais, mais je pense qu'il y a un fond d'antisémitisme qui reste dans nos milieux. C'est un copain qui est décédé, je ne vais pas lui faire de la peine, la post-mortem, mais c'était un antisémitisme ouvrier, donc il était breton, et les patrons étaient juifs, donc on mettait tous les juifs dans le même paquet, quoi. Et lui, il trouvait ça normal, quoi, que les ouvriers gueulent contre les juifs, parce que parce que les juifs représentaient les patrons, bon, enfin bref. Après, moi, je voudrais Et puis après, tu parlais du protocole des sages de Sion. Alors en France, théoriquement, il est interdit. Bon, ça doit se trouver sur Internet partout. Mais nous, on a fait un voyage en Argentine. Et là, le Mein Kampf et le protocole des sages de Sion étaient dans les kiosques. Hein, sur, ça s'appelle par les Ramblas, là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'avenue. Mais dans les kiosques, on le voyait et affiché clairement. Bon, ça fait un choc de voir ça. Et puis là, je voudrais peut-être qu'on revienne, ça c'est juste des anecdotes, mais sur le personnage de Bernard Lazare. Parce que Bernard Lazare, je ne sais pas si c'est quand même un des... C'était un juif, anarchiste, écrivain. Et au moment de l'affaire Dreyfus, c'est quand même lui, on peut dire que c'est un peu grâce à lui qu'après les Zola, d'autres intellectuels s'y sont mis. Hein, c'était le premier. Et il a écrit un bouquin qui s'appelait « Une histoire d'antisémitisme, ses causes », je ne sais plus, il y a un sous-titre. Et je crois qu'il a été critiqué, qu'on l'a accusé d'être, enfin que ce bouquin favorisait l'antisémitisme. Je voudrais ton avis, sachant que je dépouille toutes les parutions, et je viens de voir que ce bouquin était réédité par un éditeur d'extrême droite, des Lettra, je crois que ça s'appelle, voire nazi. Parce que, et donc, Bernard Lazare est au milieu de bouquins de nazis. La capacité de récupération de ces gens-là est absolument énorme. Fantastique. Ouais. Mais bon, voilà, c'est... Parce que si j'ai bien compris, Bernard Lazare a essayé de voir pourquoi les gens étaient antisémites. Donc ça, il a donné les arguments des antisémites dans son bouquin. Je ne l'ai pas lu, hein, donc j'ai du mal à en parler. Et donc, eux, ils ont pris ça au premier degré, ceux qui rééditent ça. Quoi. C'est comme Coluche déconnant sur les Arabes et tout le monde dit « Ah putain, c'est bien ce qu'il dit. » quoi. Enfin, sur les racistes qui se foutent de la gueule des Arabes. Mais sur cette histoire de la spécificité de la Shoah, ouais. C'est bien là qu'on a un problème. Les Arabes, sur cette question, il y a dans tout ce qui s'est passé avec les tenants de l'islamophobie, cette espèce de volonté de mettre à égalité l'islamophobie et l'antisémitisme. Au fond, c'est la même chose, on est contre l'un et contre l'autre. Il y a tout un courant décolonial, on dirait, avec un intellectuel africain extrêmement important qui dit, au fond, des génocides, il y en a eu partout, et entre autres en Afrique. Donc, faire une spécificité de la Shoah, ça n'a aucun sens, mais les génocides africains ont autant d'importance que la Shoah. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez les tenants de la lutte contre l'islamophobie, en disant qu'il n'y a pas de différence. Et ça, c'est très curieux de voir qu'il y a un refus complet chez beaucoup de gens de voir à quel point cette industrie et cette spécificité de l'agent, telle qu'elle est décrite par Bernas et par les gens de l'école de Francfort, Adorno disant « Après la Shoah, on ne peut plus faire de poésie », c'est quelque chose qui est tellement fort que ça nous échappe. Il y a une espèce de masochisme, à mon avis, qui s'est développé dans nos milieux, où on envoie des mômes, puisque ce sont des mômes, à Auschwitz, voir des choses qui sont indicibles. De quel droit est-ce qu'on a... de quel droit peut-on envoyer des jeunes qui sont pour rien dans l'histoire, ils sont aucune culpabilité, endosser la culpabilité des gens qui ont fait ça, à ce moment-là, qui ont laissé faire. Dans ce livre dont je vous parlais sur les ruines d'Auschwitz, la proposition libertaire, mon introduction où je lis, où lui, l'auteur, il a été là-bas avec sa classe. Il dit, moi, je n'ai pas été, je ne veux pas y aller. Il s'est passé quelque chose là-bas, soit avec les chambres à gaz, soit avec la Shoah par balle, qui dépasse l'imagination et qui devrait nous obliger à réfléchir autrement à tous les problèmes. Et le problème qu'on rencontre aujourd'hui avec la guerre et tout ça. Et manifestement, cette réflexion, elle est faite ailleurs que chez les anarchistes. Et je m'en suis toujours pas remis. Par rapport à Bernard, au bouquin de Bernard Lazare, là, tu peux avoir des explications, là, pourquoi, non ? Non. Tout à l'heure, tu as bien expliqué, je te suis bien, entre l'antisémitisme et la judéophobie, c'est-à-dire le catholicisme, la chrétienté qui a mis à bouc émissaire les juifs. Mais tu as parlé de vérité à un moment donné. Moi, je pense que ce n'est pas le bon mot. Le bon mot, je pense que moi, il y a des mots qui me gênent. En tant que libertaire, il y a des mots qui me gênent. C'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. C'est que ce n'est pas une question de vérité, c'est une question d'absolutisme. C'est que toutes ces idéologies sont des idéologies absolutistes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent, vu qu'elles sont développées par un groupe que souvent on appelle un peuple aussi, moi je ne comprends pas ce que c'est qu'un peuple aussi, mais ce sont des idéologies absolutistes. C'est-à-dire que nous, c'est comme ça, et ceux qui ne sont pas comme ça, ben, soit ils s'intègrent, soit on les massacre. Et ça, que ça soit dans la religion ou dans la politique, c'est quand même quelque chose qui existe et qui perdure et qu'on retrouve même dans les milieux anarchistes. Ça, c'est vrai, tu as raison là-dessus. C'est là-dessus, il ne faut pas reculer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as parlé des anarchistes contre le mur. Nous en avons fait venir à Marseille. Nous avons fait, justement, pour essayer qu'il y ait une autre voix qui arrive d'Israël-Palestine, on a fait, il y a eu une tournée internationale où il y a à Marseille ces deux jeunes femmes qui sont venues, qui refusaient l'armée et qui faisaient des actions côté palestinien pour reconstruire les maisons et aider dans les plantations. On pensait qu'il y aurait pu avoir à Marseille une ville qui est en dehors du conflit et tout. On pensait qu'il y aurait pu y avoir débat. Il n'y a pas eu de débat, parce que ceux qui sont sur une position Israël, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Et pour moi, c'est cette question d'absolutisme, c'est-à-dire que Israël, c'est le diable pour la gauche qui soutient les Palestiniens et pour l'extrême droite juive qui soutient Israël, les Palestiniens, c'est le diable. Et donc on se retrouve tout le temps dans ce truc d'absolutisme, c'est-à-dire de religion. Tout à l'heure tu parlais les dieux, il y en avait un tel, c'était beaucoup moins l'absolutisme. Il y avait des dieux. Mais quand les dieux ont voulu prendre le pouvoir, c'est-à-dire être, parce que c'était eux qui avaient, il n'y avait plus qu'eux, eh bien là, mais ça peut aller partout. Hein. C'est, je veux dire, ce qui s'est passé au Rwanda, on est exactement sur les mêmes schémas. Des gens qui vivent ensemble pendant des siècles, et puis d'un seul coup, voilà, c'est pourquoi, par de l'idéologie absolutiste chaque fois. Ça, c'est un point, et moi, c'est la question de Puck. Moi, la question de Puck, en tant que libertaire, je ne supporte pas la question de Puck. Je ne suis pas un Puck. Un peuple, ça ne veut rien dire du tout. Pour moi, on le voit actuellement avec la guerre en Russie et en Ukraine, ça ne veut rien dire. En Ukraine et en Russie, il y a des gens qui refusent la guerre, il y a des gens qui ne veulent pas se battre, il y a des gens qui fuient la guerre, c'est pas le peuple russe, c'est pas le peuple ukrainien. Pour moi, je veux dire, on est des individus, comment il faut réagir, c'est quelle est notre éthique et vers quoi on veut aller. Voilà, moi, c'est tout. Moi, je sais que je m'associe avec des gens qui veulent aller, qui ont à peu près la même éthique et qui veulent aller comme ça, mais ce n'est pas parce qu'on est associé qu'on est un peuple et qu'on est une idéologie. Parce qu'on peut aussi différer s'il y a des contradictions et tout. Et le troisième truc, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire de la vieille taupe et de la banquise aussi, et de l'histoire de Chomsky aussi. Parce que c'est un moment important pour nous, pour notre époque à nous, dans le mouvement libertaire. C'est vraiment un moment important parce que on s'aperçoit que l'antisémitisme, il était parmi nous, et il est toujours parmi nous, parce que moi, quand je vois que des éditeurs libertaires rééditent, redonnent la parole à Dové et à des gens comme ça, je suis effaré, je sais pas quoi dire, on est pris dans, je sais pas. Il faut juste rappeler que Dové a participé à des groupes négationnistes. Mais oui, c'est ce que j'avais dit à la banque. Oui, mais tout le monde ne le sait peut-être pas qui c'est. Je ne sais pas. Et il n'est pas le seul. Oui. Cadre Panier, toute la bande. Et celui qui a osé s'attaquer à eux, ça a été le plus ostracisé. Ça a été Danex qui a été vraiment... qui a été attaqué de toutes parts dans l'extrême gauche et dans l'ultra gauche, parce qu'il a osé leur mettre le nez dans le caca. Voilà. Et là, c'est pareil. Dès qu'on crée une critique, l'absolutisme politique veut que toi tu sois une traite ou tout ça. Et tout, c'est... Je pense qu'on est bien loin des idées libertaires dans tout ça. On est vraiment plus dans des trucs grégaires. Mais je pense qu'il y a toujours un fond. Alors, c'était autre anecdote, c'était pas dans le mouvement vraiment libertaire, c'était syndicalisme basque, indépendantiste, et j'étais avec des gens dans une famille, et tu discutes de choses et d'autres sociales, et puis à un moment, ah mais les juifs, on peut rien dire contre eux, ils dominent le monde, mais t'entends ça quoi. Et moi je suis sidéré à chaque fois, parce que j'ai été élevé par des gens, moi j'ai ni racisme ni antisémitisme, je vais pas dire que je suis parfait, mais quand j'entends ça, moi les bras m'en tombent, quoi. Des gens qui sont soi-disant pour changer le monde, et ces gens-là, on va rien faire avec eux. Ils ont un problème sur, c'est pas un peuple, je sais pas qui c'est, les juifs, c'est un problème, donc il faut rien faire avec eux, il faut les éliminer, ça existe toujours, quoi. Mais ça se met en pratique aussi. Ouais. Mais, c'est-à-dire l'histoire de la vieille dame, l'histoire de l'anonymie, l'histoire de l'école. Qu'est-ce que c'est ça? Alors après, on me dit oui, justement, quand on parle d'islamophobie, il y a les attitudes, il y a les regards. Et jusqu'à présent, preuve du contraire, un regard, ça ne tue pas. Hein. Ça peut faire mal, mais ça ne tue pas. Rédard. D'abord, je te soutiens dans ton rejet du peuple. Je voulais seulement dire sur chez Landauer, il existe une distinction entre peuple et. Je critique ça, mais pour raconter la vérité sur Landauer, il me fallait nécessaire de évoquer qu'il y a chez Landauer une distinction entre peuple et l'État. Qu'il a réputé. Je voulais revenir à ce que tu as dit sur le BDS. Là, j'ai vécu ça avec notre ami Guillaume Gamblin, quand on a fait la traduction sur la révolution en Syrie, parce qu'à un moment donné, Guillaume m'a dit qu'il soutient le BDS. Et nous, on a eu le débat, par exemple, sur une sorte de spécificité de débat allemand contemporain là-dessus, parce qu'on dit que, ça c'est à l'avantage de débat français, que dans l'histoire de l'antisémitisme en Allemagne, il y avait aussi un antisémitisme très précoce de modernisme aussi, de fin du 19e siècle, comme en France. Mais en Allemagne, il n'y avait jamais un mouvement contre l'antisémitisme, comme le mouvement au soutien de Dreyfus. Ça n'existait pas. Et donc, par exemple, quand on évoque le débat sur le boycott, sur la Shoah, ça commence toujours en Allemagne avec le boycott des juifs, des commerces des juifs. Donc c'est un art intégral de trajectoire vers le Shoah. Et en France, il n'y a pas de boycott comme ça à l'origine d'un projet d'extinction. Et ça, ça fait la différence. C'est pour ça que nous, parfois, on dit que, oui, vous, à l'internationalisme dans d'autres pays qui n'ont pas la responsabilité, on parle de ça, c'est pas une chose nationaliste, on a une sorte de mémoire de responsabilité. Et face à cette histoire en Allemagne, on rejette le BDS, notamment à cause de cette histoire de boycott des nazis. Ce qui en diffère et on fait la distinction qui n'existe pas en France ou dans d'autres pays. Enfin, moi personnellement, sur le boycott, je n'ai aucun problème. Je suis prêt à boycotter. Et on a des exemples de boycotts non violents qui ont lieu aux États-Unis avec les paysans mexicains, chicanos aux États-Unis. On a des boycotts de bière, je sais pas. Si des gens dans une entreprise se mettent en grève et demandent qu'on boycotte leurs produits, aucun problème. Aucun problème. Par contre, si on décrète le boycott a priori sur quelque chose qui est général comme ça, et on touche tout le monde, ça me semble une stupidité énorme. Mais c'est très confortable. Au fond, on fait BDS, c'est bien, on peut rouler les mécaniques, on va même au tribunal, mais c'est pas de la solidarité. Et pour moi, ce qui compte, c'est la solidarité avec les réfugiés israéliens qui, eux, prennent des risques. Les gens qui passent de l'autre côté du mur, tu y étais, toi aussi. Tony y était avec des copains français, passés de l'autre côté du mur, pour aller manifester avec les Palestiniens. Ça me semble être quelque chose. A priori, autrement, pas du tout. Enfin, pour moi, personnellement, j'ai eu des accrochages très violents sur le fait que être contre le BDS, c'est être pour le sionisme. Oui, c'est toujours le même langage. C'est pas si simple que ça. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut discuter de manière. Il y a quand même la question de Chomsky, quand même. Il y a la question de Chomsky qu'il faudrait qu'on arrive à résoudre parce que est-ce qu'on a le droit de tout dire et est-ce qu'on a le droit de tout publier, parce que Chomsky, la défense qu'il a fait de la banquise et de la vieille Europe, c'était ça, ils ont le droit de s'exprimer. Alors le problème il est-ce que les négationnistes ont le droit de s'exprimer? De toute façon ils s'expriment. Le problème il est Est-ce que nous, dans les maisons d'édition, dans la presse, dans tout ça, est-ce qu'on relaie leur truc? Ouais. Et Jean-Pierre Chomsky, il n'a pas été clair là-dessus. On n'a pas été clair non plus. Mais personne n'a été clair, mais il faudrait qu'à un moment donné, on soit clair. Hein, voilà. On n'a pas été clair là-dessus. Je pense honnêtement que les négationnistes ont le droit de tout publier. Le problème, c'est que les anarches laissent. Oui. Il n'y en a pas seulement eux. Et au fond, dans mon travail, j'ai aussi interrogé des gens de qui j'étais très proche, c'est-à-dire les gens de socialisme ou de barbarie, les gens d'information et correspondance ouvrière des ICO, la branche marxienne libertaire, anti-stalinienne, et que bon, j'ai très bien connu puisque j'étais formé chez eux. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous n'avez rien dit? Si on reprend tous les numéros de socialisme au barbarie, qui était un moment extrêmement fort, il n'y a pas un mot sur la chose. Tiens, alors que c'était des intellectuels au vol, donc, quand ces petits groupes, après 68, au moment où il y a une espèce d'espérance de la révolution qui arrive, et on dit c'est pour demain, et les groupes, il y a des petits groupes qui se créent dans la radicalité de plus en plus négationniste, la position là est absente. Il n'y a pas de dire dans la vieille taupe, c'est ce que je dis dans ce livre, la vieille taupe, pour moi ça a été un endroit, c'est une librairie à Paris qui était importante dans la mouvance libertaire, et puis tout d'un coup il y a une partie, et à un moment donné, après 68, qui devient négationniste. On a laissé faire. Les gens qui étaient aux responsabilités organisationnelles, Joyeux et compagnie, on voit bien que Joyeux, à la fin, il continue à considérer Racinier comme quelqu'un de fréquentable, alors que les négationnistes prennent leur argumentation d'abord chez Racinier. C'est ça le problème. On était occupés ailleurs, mais pas seulement nous. Hein. Oui, il y a ça, mais je veux dire, quand un intellectuel comme Chomsky, qui est quand même un intellectuel reconnu mondialement, il a quand même mis tout son poids pour qu'il n'y ait pas de critique. Il a quand même, je veux dire, un gars comme Chomsky, il a une grande responsabilité dans le mouvement libertaire international, parce qu'il a mis son poids justement pour qu'il n'y ait pas de critique contre eux. Donc, ça me pose, moi personnellement, ça me pose un gros problème quant à la fiabilité de ce gars-là, qui est insensé dans le mouvement libertaire, Chomsky par-ci, Chomsky par-ça, et en avant, et en avant. Et pour l'histoire de Racinier, aussi rare, c'était avant les années 2000, il est venu Nadine Fresco. Elle a fait une conférence donc, sur son livre, et qui doit être enregistré, qui est peut-être écoutable en ligne sur le site, je pense. Il y a le bouquin. Il y a le bouquin aussi, et c'est vrai que c'est, pour ceux qui veulent un peu creuser, c'est bien de lire ce livre. Racinier, c'était assez étonnant, hein, parce que des gens d'après-guerre qui étaient militants, ils le recevaient, ils faisaient des tournées de conférences dans les groupes ADAR, et puis, comme ils ne disaient pas la version officielle, les gens disaient, c'est bien ce qu'il dit, et finalement... C'est un ramassis de conneries, mais il gobait ça tranquille. Donc, ça veut dire qu'il y avait un terreau aussi. Il y avait un terreau, ça y est, parce qu'on a bien expliqué le montant depuis des siècles, mais il y a aussi dans le mouvement libertaire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une paresse intellectuelle énorme. Aussi. C'est ça, je veux dire, C'est sûr que gober des conneries de Racinier sans recul, ouais. Alors qu'il y avait quand même, je ne sais pas, Primo Levi, ça date de quand, ça existait déjà. Entre autres, pas que lui, David Rousseff, justement. Il y a des témoignages. Bon, merci de votre participation, merci à Pierre d'être venu. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez son livre.